Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Antahina wa lillahi alhamd fi al-dars al-sabiq mina al-qa'idati al-oula al-kuffar al-lazina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma lahum. مقرون بماذا؟ الله ربوبية. بتوحيد الربوبية، أن الله عز وجل خالق كل شيء، فهم يعترفون بهذا مع أنه قد وقع لهم خلل حتى في بعض المسائل في الربوبية، لكن في الجملة أقروا بذلك. ما الدليل؟ C'est quoi la preuve? أنهم ils ont reconnu أن الله سبحانه وتعالى سر رب. أدلة كثيرة. تفضل. نعم. فسيقولون الله، أي يعترفون أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم، يرزق جميع المخلوقات من السماء والأرض، ويملك عز وجل السمع والأبصار، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويدبر الأمر. توسع قال عز وجل فسيقولون الله، فيعترفون بذلك، لكن الله سبحانه وتعالى قال فقل أفلا تتقون. Ça nous montre quoi cette partie du verset؟ فقل أفلا تتقون. عندما يعني ما أكملوا الربوبية، أي مع اعترافكم بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، مع هذا صفقة دي مسلمون. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فقل أفلا تتقون، فلابد لتحقيق التقوى من إفراد الله عز وجل في العبادة. C'est pour ça que هؤلاء ils sont pas considérés comme des musulmans. بل سيأتي معنا اليوم في القاعدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى سماهم كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والكافرون هم الظالمون. فالله سبحانه وتعالى malgré leurs حجج، في الحقيقة سيدي الشبه، أي ما يتعلق بالشفاعة والوسائط، أي أنهم ils ont adoré ces idoles que pour que ces mêmes idoles elles les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il a rejeté leur shubha et il a démontré que c'était des kafara. فلابد من توحيد الألوهية. C'est quoi le lien entre توحيد الربوبية والألوهية؟ عندما l'adoration que pour Allah, ça implique le seul, et que c'est lui. C'est lui Ar-Rabb. Ahsan. أن الألوهية من أفرض الله سبحانه وتعالى بالألوهية بالعبادة سأمplique أنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، parce que c'est le خالق عز وجل. فتوحيد الربوبية ça doit impliquer celui qui le reconnaît annahu il a tort hada rabb, parce que les mushrikoun ils ont pas fait. C'est pour ça que les ulama ils ont démontré anna hada at-tawhid la yakfi, il est wajib la budda min lakin la yakfi wahda. Et tawhid al-uluhiyya ça englobe ar-rububiyya, lianahu idha abada Allah subhanahu wa ta'ala abadahu lianahu al-khaliq al-muhyi al-mumit al-mudabbir. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة النافعة، l'importance de connaître le tawhid، l'importance d'appliquer، l'importance de connaître معنى لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله on a démontré dans le dors précédent أن المعنى c'était pas الربوبية، لا، لا إله إلا الله أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون من سواه ودون ما سواه عز وجل. واليوم إن شاء الله نأخذ ما استطعنا من القاعدة الثانية. قال الإمام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذه هي القاعدة الثانية. أي cette قاعدة شيخ الإسلام cite pourquoi أو la raison pour laquelle هؤلاء المشركون ils n'ont pas unifié Allah subhanahu wa ta'ala في العبادة أو pourquoi ils ont adoré des idoles avec Allah subhanahu wa ta'ala مع أنهم يعترفون ils reconnaissent كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى c'est le رب, c'est le خالق. Ils n'ont jamais dit que leurs idoles c'était des خالق مع الله سبحانه وتعالى. Pourquoi ils les ont adorés? ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذه حجة, هذه نعم حجة كل مشرك في كل زمان ومكان كما سيبين شيخ زيد رحمه الله. قال: وهذه القاعدة تضمنت أمرين. Cette قاعدة la deuxième, أي il prétend adorer autre qu'Allah que pour que cette chose, que ce soit une statue ou une idole quelconque, que pour cette chose elle les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ زيد وهذه القاعدة تضمنت أمرين. Cette règle elle est composée de deux choses. الأمر الأول شبهة هؤلاء الكفار التي أدلوا بها في عصر النبوة أي استدلوا بها. Leur argument في زمن النبي عليه الصلاة والسلام c'était هذا. Pourquoi vous adorez autre qu'Allah? On adore autre qu'Allah que pour qu'il nous rapproche d'Allah عز وجل. وورثها المشركون في كل زمان ومكان. Donc حتى المشركون à notre époque يستدلون بهذا. أي leur argument quand tu leur démontres أنه c'est du shirk ولا يجوز يقولون لا نحن notre but c'est de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils se rapprochent d'Allah comme ils prétendent en passant par ses intermédiaires. هذه الشبهة التي ظنوها حجة. نعم ça ça te montre que c'est pas tout ce que les personnes ils prétendent être un dalil c'est un dalil. الحجة c'est ma جاء في كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم العلماء فهم سلف الأمة. هذا الحجة, الحجة الصحيحة. لأن كثير من الناس ils utilisent des dalils qui ne sont pas à leur place. فإما cette chose c'est pas une حجة أصلا comme leur parole ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. C'est pas un dalil, هذا c'est pas un verset du Coran, c'est pas un hadith du prophète alayhi salatu wasalam. C'est une chose qu'ils ont pensé, ils ont pensé que c'était une hujja et ils l'ont cité. Et en fait, c'est pas une hujja. كذلك بعض الناس ربما يسيت une hujja. Et le texte en lui-même c'est un dalil, et un verset du Coran, et un hadith du prophète sallallahu alayhi wasalam, mais il n'est pas à sa place. Le dalil il est sahih. لكن الاستدلال إلي با صحيح فلا بد من دليل صحيح ça c'est obligatoire un dalil صحيح إما آية من القرآن إما حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إما إجماع الأمة et كذلك que ce texte il soit à sa place. لأن بعضهم ils ont des حجج elles sont pas à leur place. في الحقيقة ça devient des شبهات pour eux. Et ça, ça nous montre que l'égarement de Ha'oula, ou la cause de leur égarement, ils ont pensé avoir une preuve, et c'était une shubha. Et ils se sont égarés, ils se sont accrochés à cette shubha, comme on doit s'accrocher au délit. Et ils n'ont pas pu délaisser. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré, ils n'ont pas pu délaisser. Et on avait expliqué les causes. L'orgueil, le suivi aveugle, etc. Enfin, attention à cette première marhala, de ne pas utiliser, de ne pas mélanger, comme on avait lu la parole de l'imam al-mu'allimi rahmatullah alayhi, an nufarriq bayna ma'din al-shubuhat wa ma'din al-hudaj. Il y en a mélangé dans ce point, ne pas discerner entre les preuves authentiques et autres, c'est une cause d'égarement, wal'iyadu billah. Comme ils se sont égarés, ha'oula al-mushrikoun. قال الشيخ زيد هذه الشبهة التي ظنوها حجة لهم هي قولهم ما دعوناهم أي تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها وتوجهنا إليها إلا لطلب القربة والشفاعة. Donc pour eux, ils se sont rapprochés من الأصنام والأوثان. الأصنام جمع صنم, une statue. والأوثان c'est plus vaste. Ça peut être une statue, ça peut être autre. فالوثن كل ما يعبد من دون الله. C'est ça le wathan. Ça peut être un qabr. Ça peut être une statue. Ça peut être une pierre. Ça peut être un arbre. Ça c'est wathan. أي كل ما يعبد من دون الله. أما الصنم, c'est plus précis. الصنم c'est une statue. على اختلاف أنواعها وتوجهنا إليها إلا لطلب القربة والشفاعة. أي لم نطلبهم ذلك لأنهم يخلقون. أو يرزقون أو يحيون أو يميتون أحدا. Et c'est pour ça qu'on vous avait dit que cette qaïda, c'est la suite de la première. أنهم يعترفون بأن الله سر رب. Et reconnaissez que cette idole, cette statue, ils l'adorent pas parce qu'elle a créé, parce qu'elle donne la vie, elle donne la mort. Là, ils ont une shubha, والعياذ بالله, أن cette statue, cette idole, c'est un intermédiaire pour les rapprocher d'Allah عز وجل. Est-ce que ça a été suffisant, cette hujja? Abadan. Est-ce que ça leur a été utile? لأنهم عبدوا غير الله. ومن عبد غير الله سبحانه وتعالى كفر. إجماعا. لم نطلبهم ذلك لأنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون أحدا. يعني لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولا إحياء ولا إماتة. أي ما يتعلق بالربوبية. فهم يعترفوا أن الربوبية لله عز وجل ولكن من أجل القربة إلى الله والشفاعة عنده اتخذناهم معبودات وآلهة من دون الله ورجونا منهم جلب المصالح ودفع المضار هذه الحجة فندها الله سبحانه وتعالى في عدة آيات منها ست شبهة أنهم leur but c'était de se rapprocher d'Allah, c'est pour ça qu'ils ont pris ces intermédiaires. Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu, il a démontré butlan hadhihi al-hujja dans plusieurs versets. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets qu'on va lire, il a démontré anna hadha c'est pas sahih, c'est batil. Et Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah tawassa'a fi hadhihi al-mas'ala fi risalatihi an-nafisa kashf al-shubuhat. Kashf al-shubuhat, Cheikh al-Islam, il a répondu en détail à ce point. Amma huna, il a cité quelques versets. Qala Cheikh al-Islam fil matn, fa dalil al-qurbati qawluhu ta'ala, ala lillahi ad-din al-khalis walladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, inna Allah yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Premier verset pour répondre à l'argument de Ha'oula. قال شيخ زيد قوله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ثم حكم عليهم بالكفر. Et ça c'est important. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité leur shubha. Et pourquoi ils adorent autre qu'Allah? Illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Donc leur but, c'était de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rejeté cet argument et il a démontré que c'était des kuffars. Limadha li'annahum ashraku ma'ahu ghayrahu fima huwa khassun bih, ay l'ibad. Fawaqa'u fi shirk al-akbar. قال حكم عليهم بالكفر في قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. Et ça, ça montre qu'annahum, ils ne voulaient pas le haqq. Les annabis, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré que c'est batil. Ils ont entendu ce verset. Et ils connaissaient ce verset. Lakin ma'a hadha, ils ne sont pas revenus. Ils n'ont pas fait de tawbah. Ils n'ont pas délaissé leur batil. Alors que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré. C'est pour ça qu'Allah قال, Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ils ont menti. Les annahum, fil haqiqa, ils suivent leur passion et. Et ils se sont égarés à cause de l'orgueil, ils ont rejeté le haqq bi wudouh. Et kafaru billahi azza wa jalla. Enfin, ce n'est pas tout argument qui est accepté. Là, ce qui est accepté, c'est le haqq. Notre dîn, il est fondé sur des fondements, des qawa'id, des preuves. Enfin, celui qui les contredit, n'harafa. Naam, enfin, ce n'est pas toute prétention qui est sahiha. Là, ça dépend du dalil. Enfin, ha'oula. خالفوا الحق الله سبحانه وتعالى il les a pas guidés et ils sont sortis de l'islam ou ils sont pas rentrés dans l'islam اصلا c'est des kafara mushrikun ومن جملة هؤلاء الكاذبين الكافرين والذين اتخذوا من دونه اولياء يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار. C'est cette aqida qui les a fait sortir de qui ne les a pas fait rentrer plutôt dans l'islam. C'est resté des kuffars. أنهم يعتقدوا في هذه الأوثان جلب المصالح ودفع المضار. C'est pour ça qu'ils se sont sentis obligés de demander de passer par ce wathan. قال يرجون منه إنجاب الولد وشفاء المريض والأمن ونفي الخوف إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله وحده دون سواه. صحيح. C'est pour ça qu'ils peuvent pas ou ils n'ont pas demandé directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Les nassis avaient la ferme conviction, mu'taqad, sahih, anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne, c'est lui qui guide, c'est lui qui égare, c'est lui qui facilite à qui veut, falimada, ils lui ont pas demandé, azza wa jal. Illa li annahum, ils ont une aqida fi hada al-wathan. Falihada, qal shir Zayd, fayuqal li haula, ma dumtum, tu'minuna bi anna Allah huwa al-khaliq, al-qadir, al-muhit, بكل شيء والسميع البصير لماذا لا تتوجهون إليه في طلب قضاء الحاجة وكشف الكربة وكل ما يحتاج إليه الإنسان البشري. Et c'est ça la question. فلهذا نحن دي هؤلاء المشركون qui adorent les tombes, qui adorent les morts. Pourquoi vous revenez pas Allah subhanahu wa ta'ala? أما votre hujja أن il vous faut un intermédiaire فالله سبحانه وتعالى إن كنتم تؤمنون بالقرآن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم il a démontré que c'était باطل. Tu dois revenir directement à lui. Enfin, la question qui se pose, لماذا ils ne reviennent pas à Allah? Si ils ont vraiment la croyance أنه c'est le Rab. هذه la question qui se pose. Ça montre أنهم في الحقيقة ils ont un تعلق. Ils ont du غلو. مشركون. C'est pour ça qu'ils sont obligés, ils se sentent obligés هم de revenir à cet intermédiaire عياذا بالله. قال شيخ زيد فالله عز وجل هو الذي يقضي فلا يحتاج إلى واسطة لأنه صاحب الكمال المطلق والعلم المحيط بكل شيء. Donc t'as pas besoin d'intermédiaire. لأن الله سبحانه وتعالى t'entend, il te voit, il sait, il a العلم, il a القدرة المطلقة, il fait ce qu'il veut. فلماذا tu reviens pas à lui? C'est ça la question qui se pose là. أما celui qui a besoin d'une wasita, et tu as besoin d'une wasita pour parvenir à lui parler, pour qu'il t'entende, c'est makhlouq. Léanahu, rubbama, t'as pas accès directement à lui, rubbama, il s'est pas quitté, il t'entend pas. Rubbama, dans certains cas, t'es obligé de passer par un autre pour arriver à un but. Shafa'a. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas besoin de hada, léanahu, il t'entend. Bel amarak. Amarak, il t'a ordonné de lui demander. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime quand tu lui demandes. Et si tu lui demandes, il te donne. Enfin, pourquoi se priver de tout ça? C'est quoi la cause? La cause, c'est هذا الكفر, هذا الشرك, التعلق بغير الله. Ils ont placé leur confiance en autre qu'Allah. Et ils ont espéré de ces makhlouqs des choses qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut leur donner. Et ils ont كذلك cru que ce makhlouq, il peut leur repousser des mots, des choses qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut leur repousser. هذا هو عين الشرك. Donc leur aqida, leur i'tiqad, annahum reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, avec هذا التفصيل, avec la deuxième qaida, tu comprends que ce n'est pas suffisant. Tu es obligé de wahed Allah subhanahu wa ta'ala dans tout, dans toutes les choses qui lui sont réservées. Tawhid al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma al-sifat. Amma prendre une partie et délaisser le reste, fala yanfa. Et c'est exactement le cas des mushrikoun qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le cas des mushrikoun qui sont à notre époque. Fala yanfa hadha. Ad-din, tu le prends. Ad-tawhid, tu le prends complet. Tu ne prends pas ce que tu veux. Qala. والعلم المحيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء من ذوات بني آدم ولا من أعمالهم ولا من أقوالهم وأفعالهم ولا من حاجاتهم ولا ما توسوس به أنفسهم. الله سبحانه وتعالى يسيت وصد حتى ما توسوس به نفسك, أي ce qu'il y a dans ton cœur, des choses que tu penses, que tu fais pas, que tu dis pas, لكن seulement des pensées, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam dalik. Falimada demander à un autre? Limada demander à un mort qui a aucune qudra? Il t'entend pas, il te voit pas, il peut rien pour toi. Et tu trouves anna ayadan billah haula al-mushrikun, il demande à ces morts. Qala kullu dhalik ma'lum lillah qad ahata bihi 'ilman wa ahsahu 'adadan. Ça nous montre l'importance de connaître al-asma wa sifat ala tariqati ahli as-sunnah wal jama'a. لأن si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, si هؤلاء الكفار المشركون ils connaissaient vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr مع التوفيق, ils auraient raisonné comment ils demandent à une chose qui n'entend pas, qui parle pas, qui voit pas, comment هذا, ça rentre pas في العقل. لكن الجهل الكبر في كذلك عدم التوفيق لأسباب. Donc, Al-Amr al-Awwal, il a expliqué Al-Shubha. Et il a répondu. Rahmatullah alayhi. Al-Amr al-Thani, qala, bayan, annahu la hajata ila al-wasa'it al-muharrama binas al-kitab wa sunna fi jalb al-masalih wa daf' al-madar binas al-kitab wa sunna. Wa innama al-wasita al-mashru'a allati yajib ittiba'uha hiya wasita tur-risala. Donc, deuxième chose, il a démontré dans le premier cas, premier point, la shubha, et il a répondu. La deuxième chose, c'est que t'as pas besoin de cette waseta qui prétend, et cet intermédiaire. Et pour que Allah lui-même, pour me rapprocher d'Allah, je dois passer par une de ces créatures. Et huma, ils ont une shubha, un ce makhluk, c'est un salih, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime. Donc, si je veux que Allah lui-même, moi aussi, je passe par cette créature qui est aimée auprès d'Allah. Ça, c'est une shubha. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il aime un makhlouq, un wali, il l'aime parce que ce wali, c'est un mouhid awwal. Et c'est parce qu'il a suivi les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si c'est un messager, il l'aime parce que c'est un messager. Liannahu, c'est un abid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, un wali. C'est celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'anta, si tu veux être aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas prendre tariqat al-mushrikin. Là, si tu veux être aimé et qu'Allah t'élève, fa'haqq tawhidak. Tu fais des efforts pour le tawhid, tu fais des efforts pour l'ilm, tu fais des efforts pour le ta'a, tu t'écartes des ma'asi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il élève هذا العبد. Amma haoula, ils ont cru que al-wilaya, elle était réservée qu'à une catégorie de personnes. Et si tu veux qu'Allah t'aime, tu es obligé de passer par cette catégorie de personnes. هذا هو الانحراف. Et الشرك, comme il a expliqué Cheikh l'Islam في كشف الشبهات. قال وإنما الواسطة المشروعة التي يجب اتباعها هي واسطة الرسالة. Amma tu veux suivre un intermédiaire pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, tu suis l'anbiya wa rusul. Ay, c'est eux qui ont montrer hadith din. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a révélé hadith din et c'est eux qu'on fait da'wa. Anta, tu prends din d'eux. Et eux, al-anbiya wa rusul, ils ont démontré al-tawhid et le mu'taqad al-sahih et comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Amma, adorer autre qu'Allah Azza wa Jalla et prétendre que c'est noir, c'est ta et un intermédiaire, hada c'est shirk. قال الشيخ زيد اي الرسل الذين هم الوسائط بين الله وبين الخلق pas une واسطه pour les adorer ابدا لا الله سبحانه وتعالى les envoyer pour nous montrer nous expliquer nous détailler هذا الدين قال وهم الذين يجب ان يتخذوا او ان يتخذوا وسائط بمعنى ان ناخذ العلم منهم في العقيده والشريعه ونتبعه بالعمل. Et c'est ça, ad-din al-sahih. On prend notre din min al-kitab, min tariqat nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ses messagers, ses prophètes, à chaque peuple, pour leur montrer ad-din. Fa nahnu, on doit prendre d'eux. Hada, c'est ça, al-sahih. Qala amma sa'iru al-khalq, fa la yakhlu alladhi turja minhu al-wasita wa al-shafa'a wa al-qurba, imma an yakun hayyan, ou mayyitan, amma prendre des intermédiaires, bien sûr, autres que l'anbiya fait les tiba, amma l'anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala les envoyer pour qu'ils nous montrent le haq et on les suive. Amma autre que hada, prendre des intermédiaires, imma ces intermédiaires entre l'abd et Allah subhanahu wa ta'ala, imma ils seront vivants ou morts, et ça c'est un tafsil important, imma ils seront vivants ou morts. قال فإذا كان ميتا. Premier cas, s'il est mort, c'est un mort parmi les morts, que ça soit un wali ou autre. S'il est mort, فلا يجوز أن يطلب منه شيء مطلقا لا فيما يقدر عليه البشر ولا فيما لا يقدر عليه البشر. أما si ce مخلوق il est mort, فلا يجوز مطلقا, dans tous les cas t'as pas le droit de lui demander quelque chose. L'annahu, il est mort. Il t'entend pas. Il est sorti de cette dunya. Il est fait qabr, il est fait le barzakh. Enfin, lui demander, wal'iyadu billah, c'est avoir une croyance qui peut t'aider. Ou il peut repousser un mal. Et cette croyance, tu dois l'avoir que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla qala, wa ya'buduna min dunillah, ma la yadhurruhum, wa la yanfa'uhum. Ça peut être une statue, une pierre, un arbre ou un mort. Il n'a aucune qudra. Donc, si c'est un mort, fallait yajouz mutlaqan de lui demander quelque chose. Ce n'est pas un intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala fil ibad Allah. C'est du shirk si tu lui demandes. Donc, nous en tant que muslimoun, muahidoun, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc, le premier cas, s'il est mort, la yajouz mutlaqan de revenir à lui. Qala, wa amma رجاء الشفاعة أو القربة أو قضاء الحاجة من الحي فهذا لا يخلو من حالين. Deuxième cas, si ce مخلوق il est vivant, مثلا un ولي et il est vivant, ou une personne quelconque elle est vivante. Si elle est vivante, tu auras deux cas. Le premier, قال إما أن يكون داخلا تحت قدرة البشر وكان حاضرا أو في حكم الحاضر. Premier cas, si ce vivant, cette chose que tu vas lui demander, il est capable. Et bien sûr, il est présent. Deuxième cas, wa imma an yakun kharijan an qudrat al-bashar. Deuxième cas, c'est une chose, il est vivant, laquelle c'est une chose qui peut pas. Matalan, premier cas, une chose qui peut, matalan, t'aider à porter telle chose. Hada, il peut. C'est une charge qui est raisonnable, il peut la porter et il t'aide. Deuxième cas, une chose qui ne peut pas, مثلاً, واحد, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Demander à ce bachar, même s'il est vivant, c'est une chose qui ne peut pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Donc vous avez compris les deux cas. قال فإن كان خارجا عن قدرة البشر فلا يجوز أن تطلب منه الشفاعة أو قضاء الحاجة بل يعتبر هذا من الشرك الأكبر كما فعله كفار قريش وغيرهم. Si c'est une chose dont il n'a pas la capacité, et cet insan il demande à ce makhlou, hada c'est min al-shirk al-akbar. Pourquoi c'est min al-shirk al-akbar? Indaman, il y a une aqida que la personne ne peut faire quelque chose qu'elle ne peut faire. Ahsant, li annahu ila mu'taqad il possède une chose qui est khassa billah. Et on avait dit anna al-shirk taswiyatu ghayri Allah billah fima la yaqdiru alayhi illallah. Donc, est-ce que quelqu'un, si une personne elle est stérile, il n'arrive pas à avoir d'enfant, est-ce que quelqu'un peut lui donner? Là, ça c'est quelque chose khas billah. S'il le demande à cette personne, c'est qu'il y croit. Et s'il y croit, il a donné une chose qui est réservée à Allah, à autre qu'Allah. Hada huwa aynu shirk. Qala shirzi. أما إذا كان المطلوب مما هو داخل تحت قدرة البشر كالإعانة في شيء مقدور عليه والإمداد كذلك وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان البشري إلى آخر ما أسلفت فهذا شيء جائز. Pourquoi c'est pas du shirk? عند من؟ لأنه يقدر عليه. نعم لأنه يقدر على هذا الشيء فهذا الشيء c'est pas quelque chose de خاص بالله عز وجل. الله على كل شيء قدير. كذلك سبشر الله سبحانه وتعالى لي ودن القدرة أنه il peut t'aider à porter ce carton, ce sac. Donc on ne peut pas dire que tu as donné une chose qui est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le shirk là. C'est quelque chose de comme قال جائز لكن الانسان لا يكثر من سؤال الناس. لان ça c'est une autre مساله اما في الحاجه والاضطرار واضح. اما الانسان s'habitue à toujours demander à l'insan même si c'est quelque chose de جائز فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المساله et de demander aux gens. C'est une cause d'humiliation, c'est une cause de dépendance. Et l'insan est en sa main. Donc l'insan, ça ne veut pas dire que tu peux demander tout et dans n'importe quelle situation aux gens, même si ce n'est pas du shirk. Et ça, c'est une autre mas'ala. قال مع تعلق القلب بأن الله عز وجل هو قاضي الحاجة وهو الذي يفرج الكربة وهو الذي يقضي في كل شيء ويحكم لا معقب لحكمه. Avec cette عقيدة bien sûr, أن هذا الشخص c'est un سبب. C'est Allah سبحانه وتعالى qui a facilité أن cette personne elle m'aide. Et cette personne elle peut m'aider que si Allah سبحانه وتعالى il veut. لأن c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui lui a donné cette قدرة. Donc ça nous montre que dans tous les cas, at-ta'alluq il est billah. Si Allah subhanahu wa ta'ala me facilite, j'y arriverai. S'il ne me facilite pas, j'y arriverai pas. Donc, ce sebeb, tu le laisses un sebeb. On fait attention de ne pas élever les asbab au-dessus de leur place. Un sebeb, ça reste un sebeb. Et peut-être que je vais demander à cette personne, et cette personne, elle n'arrivera pas. Ou on n'arrivera pas. Ou on aura un obstacle. Al-Muhim, on n'arrivera pas à faire cette chose. Même si ces personnes, ils s'entraident. Donc, at-ta'alluq il est billah fi kulli hal. Wa ala kulli hal. Qala shaykh al-Islam ba'd dhalik wa dalil al-shafa'a. Donc, il a cité dalil al-qurba. Ay, annahum, leur but c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en prenant ses intermédiaires. Deuxième point, al-shafa'a. قال ودليل الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc ça ressemble au premier verset. أنهم leur but c'est que cet intermédiaire il leur fasse الشفاعة أي l'intercède pour eux. قال شيخ زيد والحجة الثانية التي أدلوا بها ليصوروا صحة صنيعهم في عبادة الآلهة. La deuxième shubha, le deuxième argument qu'ils ont cité pour démontrer qu'ils sont à la haqq, هؤلاء المشركون, c'est الشفاعة. قال هي ما دل على ذمها قوله قول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء الشفعاءنا عند الله. Le premier verset, le yuqarribuna ila Allah. Le deuxième, shufa'auna 'inda Allah. Ça te montre dans tous les cas, leur but c'est de se rapprocher d'Allah. Lakin, on ne se rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala comme on veut. Celui qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il suit al-anbiya wa rasul. C'est le seul chemin. C'est la seule voie. C'est la seule manière. Celui qui délaisse la voie de rasulullah subhanahu wa ta'ala, de Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert une porte également. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a envoyés que pour être suivis. Ha'oula al-an al-mushrikoun, ils les ont pas suivis. Ils ont voulu se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur propre manière, et ils se sont écartés. قال يعني هم ما أنكروا وجود الله ولا أنكروا قدرته وربوبيته ولكن قالوا إنهم لا غنى لهم عن واسطة بينهم وبين الله عز وجل وهي الواسطة المذمومة التي تتجلى في اتخاذ تلك المعبودات من أحجار وأشجار وأخشاب والشمس وقمر ونجوم وأولياء صالحين إلى غير ذلك مما هو معلوم من دين الإسلام آلهة من دون الله. Donc, هؤلاء, ils n'ont pas renié l'existence d'Allah. Et ça, c'est important. بعض الناس, مساكين, à cause de leur ignorance, ils pensent que l'islam et l'iman, c'est de croire en Allah et que Allah, il existe. C'est pour ça que t'entends al-ba'd, ils disent Fulan c'est un croyant. Mu'min, ay mu'min billah. Ay, c'est pas un mulhid. Ba'dhum ta'lamun annahum hatta wujud ar-rabb yunkiruna. Amma hada, il sait qu'il y a un créateur. Et ba'dhum yadhunnun annahu ça fait de lui un muslim. La. Kuffar Quraysh, ils ont reconnu hada. Bal, ils ont voulu se rapprocher d'Allah. Et ça n'a pas suffi. Yana la bud min al-asl. La bud min al من القاعدة الأصيلة أي توحيد العبادة. Et c'est pour ça que pour rentrer dans l'islam t'es obligé de témoigner أن لا إله إلا الله أي توحيد العبادة. Celui qui reconnaît الربوبية مثل كفار قريش et il dit pas لا إله إلا الله c'est pas un مسلم. C'est pour ça que كفار قريش ils ont refusé comme أتقدم. قال الشيخ زيد avec cette reconnaissance ولكن قالوا انهم لا غنى لهم عن واسطه بينهم وبين الله. Et c'est ça le shirk. Avec cette reconnaissance en Allah c'est le créateur, ils ont pas pu délaisser ces intermédiaires. لماذا لانهم ils se sont accrochés. Le cœur est accroché à ces intermédiaires et c'est ça le shirk. Et ils avaient des croyances ان cet intermédiaire il peut donner, je suis obligé de passer par lui etc. قال وقد حذر الله عز وجل من ذلك وحذر منه نبيه صلى الله عليه وسلم وكل عالم رباني يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وينهج نهجه ويتبع أثره. Et c'est ça le fondement de notre da'wa. Et c'est ça le fondement de da'wa كل نبي ورسول. كما أخبر الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. C'est ça دعوة جميع الأنبياء التوحيد. Et celui qui veut faire الدعوة il est obligé de commencer par ce point التوحيد. لأنه إذا صلح التوحيد si التوحيد il est صحيح فتو الأعمال que ce عبد fera s'ils sont fondés sur ce توحيد bien sûr avec le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم فأعماله إن شاء الله صحيحة صالحة مقبولة. أما si ce point il est mauvais ولو في الحج ولو في الصلاة ولو في الصيام si c'est fondé sur le shirk Allah il accepte pas le shirk même si c'est une ibada qui est faite pour lui si cette personne il fait du shirk Allah il lui annule tout. لئن أشركت ليحبطن عملك tous les أعمال même s'il y a des أعمال qui sont faits sincèrement le shirk il annule tout. C'est pour ça qu'ils l'ont cité في نواقض الإسلام. ثم قال بعد ذلك والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذا ديتاي الآن ما يتعلق بالشفاعة. الشفاعه se divise en deux. شفاعه منفيه اي qui est rejetée, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose qu'il y a qu'Allah qui peut te donner. Et le point qu'on a cité précédemment. Exactement ce que les kuffar ils ont fait, mushriku quraish, et ils ont prétendu vouloir se rapprocher d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala il a démontré que c'était des kuffar. قال والشفاعه المثبته هي التي تطلب من الله. اما هي الشفاعه المثبته et on l'espère tous. Tu dois la demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse al-shafa'a sur toi subhanahu et qui l'autorise un makhlouq qui l'intercède pour toi lakin tu la demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam مثلا il fera shafa'a yawm al-qiyamah. Est-ce qu'on demande à Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Là on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que son prophète il fasse shafa'a pour nous yawm al-qiyamah et on fasse partie des gens qui profitons de cette shafa'a. Amma al-mushrikoun, ils ont mélangé. Qala wa shafa'atu al-muthbata hiya allati tutlab min Allah wa shafi' mukramun bi shafa'a. Karama min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la donne. tu la demandes pas à un makhlouq. Wa al-mashfou' lahu huwa man radiya Allahu qawluhu wa 'amaluhu ba'da al-idhn. Ça c'est les conditions. Celui qui profitera de shafa'a, c'est une personne dont Allah subhanahu wa ta'ala il est satisfait. Ay amouhid, ça fait sortir le kuffar. Al-kuffar ils profiteront pas de shafa'a. Man as'ada an-nas bi shafa'atiki ya Rasul Allah, qala man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, hadith Abi Hurayra, sahih Muslim. Donc, celui qui profitera de Shafa'a, c'est celui qui dit La ilaha illallah khalisan min qalbi, ay am wahid. Qala radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-idn, kadalik am wahid. Dans ses a'mal, il ne fait pas de shirk. Hada, bien sûr, après l'idn. Et c'est ça l'autre condition. Ay obligé que c'est Allah qui donne la permission. Kama fi hadith al-Shafa'a. أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك واشفع تشفع. النبي صلى الله عليه وسلم il fera pas الشفاعة يوم القيامة jusqu'à ce que Allah سبحانه وتعالى il lui dise fais الشفاعة, il lui donne la permission. Et النبي صلى الله عليه وسلم il fait الشفاعة pour ceux qui méritent, الموحدون. Ah bien sûr, الشفاعة الكبرى, tout le monde en profitera, أي الشفاعة لأهل الموقف, لكن هذه c'est que pour que le حساب commence. أما الشفاعة qui fait sortir من النار, qui fait rentrer في الجنة, فهذه elle est خاصة pour les مؤمنين. قال كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Ça c'est un شرط عظيم, الإذن. Donc ceux qui demandent aux morts, ils leur demandent pour qu'ils fassent شفاعة pour auprès d'Allah, est-ce que Allah il leur a donné la permission, est-ce que ce عمل il est مرضي عند الله سبحانه وتعالى, et Allah il aime ce عمل. لا, ils demandent à autre qu'Allah, ils n'ont pas la permission. Ah, ce n'est pas une shafa'a. Hada, c'est du shirk. C'est une shafa'a manfiyya. Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbuha wa ma amara biha. Qala Sheikh Zayd, aqul qad bayyana tabaraka wa ta'ala hukm ash-shafa'a wa ma huwa al-muthbit minha wa ma huwa al-manfi. Ya'ni ma huwa alladhi yajibu ithbatuhu wa i'tiqaduhu bi annahu thabitun wa haqq. Li'anna an-nas khallatu fi hadhihi al-mas'ala wa fi ghayriha. Ça c'est khatir de mélanger. Prends ce point. Al-Shafa'a, بعض الناس لماذا ils se sont égarés. لأن الشفاعه منها حق ومنها, t'as pas le droit de la demander. Avec cette manière, comme ils font le mouchrikoun, ils sont les chourous. فبعضهم ils entendent الشفاعه, ils comprennent الشفاعه comme ils veulent eux. Et ils la demandent comme ils veulent eux. Et ils s'égarent. Là, talabu الشفاعه, c'est une ibad azim. Tu dois faire comme c'est écrit dans les textes. قال يعني ما هو الذي يجب إثباته واعتقاده بأنه ثابت وحق وما هو الذي يجب نفيه والحكم عليه بالبطلان بمقتضى نصوص السنة والقرآن. Ça, ça te montre que le fait de dire que c'est حق un باطل, c'est pas avec الأهواء, c'est pas avec le تقليد, c'est pas avec les gens ils ont fait, donc c'est forcément ça. Là, c'est avec le kitab ou le sunnah. Limada li anna, on parle de din. Ça c'est du din. Donc on revient aux sources de notre din, le kitab ou le sunnah. Qala fastakhlas al musannif rahimahullah min hadhihi al nusus allati minha qawluhu ta'ala ya ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna hum adh-dhalimun wa min qawlihi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. فذكر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين, شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. Donc الشفاعة elle se divise en deux, شفاعة مثبتة أي elle est صحيحة, et شفاعة منفية elle est pas صحيحة, أي une elle est aimée auprès d'Allah et l'autre là. أولا تعريف الشفاعة, أما لغة ابن فارس رحمة الله عليه في معجم مقاييس اللغة عيسى كتاب نافع في اللغة قال الشين والفاء والعين, أي الأصل la base de كلمة الشفاعة elle est fondée sur le شين le فاء شفاعة. قال يدل على مقارنة الشيئين من ذلك الشفع خلاف الوتر. Donc c'est le contraire du وتر. الوتر c'est un, الشفع c'est deux مثلا. Vous avez compris, الشفع c'est plusieurs, الوتر c'est un. تقول كان فردا فشفعته, أي il était tout seul فشفعته, أي je suis venu, maintenant on est deux. Donc الشفاعة c'est plusieurs. Ça c'est par rapport à la langue arabe. أما شرعا dans notre درس نحن par rapport au توحيد, الشفاعه سي توسط الشافع لغيره بجلب نفع او دفع ضرر او رفع سي سا الشفاعه توسط الشافع اي سي اون بيرسون تتوسط لغيره اي مثلا الفو انلوفي ان مال او ابورتي ان بيان فال باس بار ان انترميديير هذه هي المثبته et elle est manfiya. Ça dépend du cas. Alors, on lit Kalam Cheikh Zayd pour détailler. قال فالفرق بينهما أن الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن وهي التي تطلب من الله عز وجل ولها شرطان. الشفاعة المثبتة أي cet intermédiaire qui va te repousser un mal أو t'emmener un bien بإذن الله عز وجل elle est citée في القرآن et elle a des شروط. مثلا الله سبحانه وتعالى يفرع انترسيدي سون بروفيت صلى الله عليه وسلم يوم القيامه لكن بشروط لو بروميير شرط اذن الله عز وجل للشافع يشفع لا بروميير شوز سي ك سيت انترميديير pour qu'il fasse intercession اي يدمند الله سبحانه وتعالى يفرع بيرميسيون اون ا سيتي لو دليل ارفع راسك واشفع تشفع الله سبحانه وتعالى يدنغى لا بيرميسيون على سون بروفيت صلى الله عليه وسلم يوم القيامه والشرط الثاني الرضا منه تبارك وتعالى تبارك نعم الرضا منه تبارك اسمه من المشفوع فيه كذلك لا دوزيام كونديسيون سي لا بروميير لا بيرميسيون لا دوزيام سي كالله سبحانه وتعالى يرضى عن المشفوع اي celui qui va recevoir la shafa'a الله سبحانه وتعالى يرضى عنه اي que ça soit un mouhid ça soit un muslim اما الكافر الله سبحانه وتعالى يبغضه. Donc ces deux conditions, la permission est pour celui qui va faire l'intercession et al-rida pour celui qui va la recevoir. S'il n'y a pas ces deux conditions, ce n'est pas une shafa'a sahiha. Al-an, on revient à Kuffar Quraysh. Est-ce qu'ils ont eu la permission? Ils ont demandé maintenant à cette statue, à ce mort, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné la permission à ce makhlouq qu'il leur fasse shafa'a, qu'il les rapproche d'Allah? Abadan. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il est satisfait d'eux? Abadan, ils font du shirk. Ils demandent et ils adorent autre qu'Allah. C'est pour ça que c'est une shafa'a manfiya, elle n'est pas acceptée, elle est batila. وَبِهَذَيْنَ الشَّرْطَيْنَ تَكُونَ الشَّفَعَ مُثْبَتَ وَشَرْعِيَّ Donc, avec ces deux conditions, al-idn, la permission, al-rida, qu'Allah soit satisfait de celui qui va recevoir shafa'a. Ça fait sortir les kuffars. وَأَمَّا الشَّفَعَةُ الْمَنْفِيَّ فَهِيَ الَّتِي نَفَاهَا الْقُرْآنُ وَهِيَ الَّتِي تُطْلَبْ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى كما صنع المشركون الذين طلبوا من غير الله عز وجل الشفاعة في جلب المصالح ودفع المضار على اختلاف أنواع المصالح واختلاف أنواع المضار الفردية والجماعية لا دوزيام منفية elle est pas acceptée comme ils ont fait les mouchriquins ils ont demandé à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala une chose que tu dois demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala Même s'ils appellent ça shafa'a, c'est d'aucune utilité. Leur croyance et leur demande, elle était à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, c'est du shirk. Amma nahnu, on a une conviction, walillahi alhamd, anna shafa'a li haqq avec ces deux conditions. C'est pour ça qu'on a la croyance que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fera shafa'a yawm al-qiyamah. Que les enfants, matalan, celui qui a perdu des enfants en bas âge, ils feront shafa'a pour lui yawm al-qiyamah. Le Coran, il fera shafa'a. Tout ça avec les conditions. Kadhalik al-mu'min, il fera shafa'a à son frère. Lakin, si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission, et celui qui va recevoir shafa'a, il est mort à la tawhid, n'am. On y croit à hada. Et il y a des textes. Et c'est un sujet qui est détaillé fi kutub al-aqid. Amma, demander à un mort, alors que t'as pas le droit de demander à autre qu'Allah. Placer sa confiance dans ce mort. Croire qu'il peut te donner, ou qu'il peut enlever. Tout ça, ça a rien à voir avec al-shafa'a, al-sahiha. المثبتة الشرعية بل هذا سعين الشرك الذي وقع فيه كفار قريش et même s'ils prétendent que c'est une shafa'a les prétentions c'est d'aucune utilité si l'amal et l'intention elles contredisent cette prétention فلهذا قال عز وجل في الآية نعم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ils se sont égarés Allah les a pas guidés وحكم عليهم بالكفر فهذه المسألة هي مسألة عظيمة. الشيخ الإسلام إلا ديتايي دون سون ليفر كشف الشبهات كذلك إلا ديتايي في كتاب التوحيد والشراح. يديتاي جدا ما يتعلق بالشفاعة دون كتاب التوحيد. Lakin, nahnu, cette règle, elle nous donne un aperçu tayyib. Amma, les détails, c'est dans d'autres livres. Et l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahmatullah alayhi, il a un livre, Kitab al-Shafa'a, et il cite tout ce qui est en rapport avec al-Shafa'a, et les ahadith. Al-Sahiha, c'est un livre tayyib. Et l'ulama, ils ont détaillé. كذلك ما يتعلق بالتوسل الوسيلة أي les intermédiaires. Il y a plusieurs livres. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il cite souvent cette mas'ala dans ses livres. كذلك شيخ الإسلام. كذلك الإمام الألباني rahmatullah alayhi, il a un kitab tayyib, التوسل والوسيلة. Il explique cette mas'ala en détail. كذلك شيخ عبد السلام ابن برجس rahmatullah alayhi, il a une رسالة مفيدة في هذا. التوسل الممنوع, التوسل المشروع. طالب العلم والمسلم يعتني بهذه المسائل. Ça c'est des مسائل qui te feront comprendre le tawhid أكثر. Et tu comprendras كذلك شبهات المشركين أكثر. Et c'est ça دعوة الرسل. On fait des efforts في هذه المسائل. كم من إخواننا ils savent pas la différence entre الشفاعة المثبتة المنفية, التوسل المشروع, التوسل الممنوع, شبهات المشركين في هذا الباب. Alors que c'est أصل الدين. C'est أصل الدين et ta دعوة tu la commences par هذا. فكم الآن من العوام مساكين جهال كثير منهم يكمبخن غيان أسد مسألة لهذا ربما يقع في الشرك أكوز دو سيد شبهة وهو لا يدري يكمبخن بالي التكست فأنت surtout si c'est un proche tu lui montres si tu veux son خير et tu commences par ça et c'est ça دعوة الأنبياء والرسل et s'il accepte et il est guidé فإن شاء الله تغى une part de خير في هذا لأنات السبب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة. Et on a fini la deuxième règle et le prochain cours, inshallah, on commence la troisième règle. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.